بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، également que l'imam al-Nawawi rahimahullah a cité dans Tahdhib al-Asma wal-Lughat parmi les noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam خاتم الأنبياء نعمكم الله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبيين، mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Donc c'est le sceau des prophètes, le dernier des prophètes. Et également il a cité parmi ses noms Al-Fatih, ça je ne sais pas, Allahu A'lam, et il a cité Taha et Yassin. Ça, Taha et Yassin, c'est pas partie des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, Taha ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Taha, nous n'avons pas envoyé sur toi le Qur'an pour que tu sois malheureux. Taha et Yassin, ça fait partie des lettres coupées qui sont au début de certaines sourates. Et Al-Bayhaqi, il a dit que certains savants ont ajouté qu'Allah Azza wa Jalla l'a appelé dans le Qur'an Rasoul, messager, Nabi, prophète, Ummi, illettré, Shahid, témoin, un témoin sur sa communauté, Mubashir, annonciateur, Nadir, avertisseur, Da'i l'Allah, bi'idni, prêcheur vers Allah par sa permission, Siraj Munir, une lampe éclairante, Ra'ouf Rahim, il est doux et miséricordieux. Mudhakkir, rappeleur. Et il a fait de lui Rahma, il a fait de lui une miséricorde. Ja'alahu Rahma. Wa Ni'ma, et un bienfait. Et un Hadi, un guide. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'imam al-Kathir dit ensuite Ibn Abdillah, c'est le fils de Abdillah. Son père Abdullah. Wa huwa akhu al-Harith wa Zubayr. Donc là, il cite les oncles, les umoum du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les oncles paternels. Abdullah, son père, c'est le frère d'al-Harith wa Zubayr wa Hamza wa al-Abbas. Wa yukna Aba al-Fadr, c'est-à-dire al-Abbas. Wa Abi Talib, père de Ali. Et Al-Abbas, le père d'Abdullah ibn Abbas. Wa ismuhu Abdu Manaf, c'est-à-dire Abu Talib, son nom c'est Abdu Manaf. Wa Abi Lahab, parmi ses oncles également. Wa ismuhu Abdul Uzza, donc ça se fait partie des noms non permis. Wa Abdul Ka'ba, ou wa Abdil Ka'ba. Wa huwa al-Muqawwam, wa qil huma thnan. وحجل واسمه المغيرة والغيداق وسمي بذلك لكثرة جوده. الغيداق il a été appelé comme ça pour sa grande générosité. وأصل اسمه نوفل وقيل حجل ودرار وصفية. Donc là on passe aux ammat du prophète صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire les sœurs de son père, ses tantes paternelles. صفية وعاتكة وأروى وأمية وبره. Parmi les mères des croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé une qui s'appelait Barra et il l'a changée en Zainab. وأمي حكيم وهي البيضاء. هؤلاء كلهم أولاد عبد المطلب. Donc tous ceux-là sont les enfants de Abd al-Muttalib. واسمه شيبة, شيبة الحمد على الصحيح. Donc ils ont divergé sur le nom de Abd al-Muttalib et son nom, selon l'avis juste, c'est شيبة الحمد. Ibn Hashim. Donc lui, Abd al-Muttalib, c'est Ibn Hashim. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un Hashimi. C'est affilié à son grand-père. Wasmu Amr. Hashim, donc c'est un laqab. Comme il y avait beaucoup les Arabes, ils donnaient des laqab, des alqab, des surnoms, et ils avaient un prénom. Donc son nom à lui, c'est Amr. Wa huwa akhu al-Muttalib. Et ce grand-père-là, c'est le frère d'Al-Muttalib. Wa ilayha nasab dhawil qurba. Donc, à lui sont reliés ceux qui sont proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ceux qui sont dans, qui n'ont pas le droit de prendre la sadaqa. Donc c'est une affiliation à au frère du grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Al-Muttalib. Donc Banu Al-Muttalib, les fils d'Al-Muttalib, toute sa descendance, ils ne peuvent pas prendre de sadaqa, ils font partie de Dawul Qurba. Ou Abdi Shams. Ou Naufal. Donc ça sont les autres frères du grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Amr, et dont le laqab est Hashim, qui est le frère de Al-Muttalib, donc, et Abd al-Shams, Naufal. Arba'atuhum abna Abd Manaf. Donc ces quatre-là sont encore les enfants de Abd Manaf. Donc là on remonte dans l'ascendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du côté bien sûr des hommes. Akhi Abd al-Uzza. Donc lui c'est le frère de Abd al-Uzza. Donc à chaque niveau, Ibn Kathir les cite tous les frères. Wa Abd al-Dar, wa Abd, Abna Quday. Donc là on arrive à Qusay. Wa smu Zayd. Donc également c'est comme Hashim, c'est un laqab et son nom c'est Zayd. Wa huwa akhu Zuhra ibn Kilab. Donc là ils étaient que deux frères. Ce sont les deux fils de Kilab. Akhi Taym, frère de Taym. Wa yaqada bi Makhzum. Thalathatuhum, donc ces trois-là, Abna wa Murra, sont les fils de Murra. Akhi Uday ou Adi wa Husays. وهم أبناء كعب، donc les fils de كعب. أخي عامر، le frère de عامر. وسامة. وخزيمة وسعد والحارث وعوف. سبعتهم، donc ces sept-là, أبناء لؤي، sont les fils de لؤي. أخي تيم، الأدرم. ces deux-là, ابني غالب، fils de غالب. أخي الحارث ومحارب. بني فهر. Donc ceux-là sont les fils de Fihr. Akhil Harith, le frère de Harith. Ces deux-là, Ibn Malik. Et ce grand-père, Fihr ibn Malik, c'est comme on va le voir après, Inch'Allah, c'est selon un avis, lui, Quraysh. Donc tous les Quraysh sont affiliés à cet homme-là, Fihr ibn Malik. Donc Malik, Akhil Salt, wa Yakhlad, Bani Nadr, donc les fils d'An-Nadr, Akhi Malik, frère de Malik, wa Malkan, wa Abdi Manat, wa Ghayrihim, et d'autres. Bani Kinana, Akhi Asad, donc également il fait partie de Kinana, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il l'a cité dans un hadith que Allah Azzawajal l'a choisi de Kinana. Il a choisi Quraysh de Kinana. Parce que Quraysh, c'est parmi les descendants de Kinana. Akhi Asad, wa Asada, wa Al-Hun, Bani Khuzayma, donc les fils de Khuzayma, Akhi Hudayl, Ibn Mudraka, wa Smu Amr, donc c'est un laqab, Mudraka, et son fils c'est Amr, wa Akhu Tabikha, wa Smu Amir, son nom c'est Amir, wa Qam'a, Thalathatuhum Abna Ilyas, ces trois-là sont les fils d'Ilyas, Akhi Nas, wa Hu Aylan, Walid Qais, كلها. Donc la tribu de Qais ou Bani Qais, ils sont tous affiliés à lui, Aylan. كلاهما ولد مدار. Donc ces deux-là sont les fils de Mudar. Et c'est venu dans les hadiths que le prophète sallam a cité qui fait partie de Mudar. Donc Mudar, أخي Rabi'a. Donc c'est les bases des grandes tribus arabes, Mudar et Rabi'a. وهما صريحان من ولد إسماعيل. Et c'est les deux qui sont cités clairement parmi les enfants d'Ismaïl. وأخي أنمار. Donc Mudar c'est également le frère de Anmar. وإياد. وقد تيامنا. C'est-à-dire qu'ils sont partis au Yémen. أربعتهم أولاد نزار. Donc ces quatre-là sont les fils de Nizar. Encore un des grands-pères du prophète صلى الله عليه وسلم Nizar. أخي خضاعة. يقول أكثر أهل النسب. Donc la plupart des savants des origines, car ça c'est une science, le nasab, les origines des Arabes, ils disent donc que Nizar c'est le frère de Qudaa. Kilahuma les deux, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan, Les deux sont les fils de Ma'ad ibn Adnan. فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرتم من أبناء عدنان. Donc il dit Ibn Kathir, toutes les tribus des Arabes sont affiliées à ceux que j'ai cités parmi les enfants de Adnan. Et les tribus arabes, que Ibn Kathir signifie, ce sont les Musta'araba, c'est-à-dire ceux qui ont été arabisés. Ils ont été arabisés en se mélangeant aux Arabes. Car Ismaïl, alayhi salam, n'était pas arabe. Et en se mariant avec une de leurs femmes et en se mélangeant à eux, sa descendance est devenue arabe. Et l'arabe al-ariba, les arabes de base, sont les Qahtaniyun, de Qahtan. Donc ça, l'ascendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Adnan, elle est unanime. Il y a l'unanimité sur ça. Et après, ils divergent. وقد بين ذلك الحافظ أبو عمر النمري في كتاب الإنباء بمعرفة قبائل الرواة بيانا شافيا رحمه الله تعالى. وقريش لقول أكثر أهل النسب هم الذين ينتسبون إلى فحر بن مالك بن النضر ابن كنانة وأنشدوا في ذلك. Donc là, chez la plupart des gens du nasab, de l'ascendance, Quraysh, c'est ceux qui sont affiliés donc à Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana. Et après, il a cité une poésie. قسي لعمري كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فحر. Donc il a pris ça en argument. وقيل بل جماع قريش هو النضر بن كنانة. Les certains ont dit النضر بن كنانة. Donc النضر était le grand-père de فحر. وعليه أكثر العلماء والمحققين. Donc la plupart des savants sont de cet avis. واستدل الله على ذلك بالحديث الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة فقلت ألستم منا يا رسول الله. Donc il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Kinda, la tribu Kinda, et il a dit n'êtes-vous pas de nous, au messager d'Allah? قال لا نحن بنو النضر بن كنانة لا نغفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. Donc il a dit le prophète صلى الله عليه وسلم que non, nous sommes de Bani Nadr ibn Kinana, et que il a ensuite dit que il va pas s'affilier à sa mère et se désavouer de son père, c'est-à-dire la filiation, il s'affilie au père, même si une de ses grand-mères est de Kinda. Donc il est de Kinda du côté de la mère, mais la filiation, il la garde du côté des pères. وقد رواه ابن ماجه, ابن ماجه l'a rapporté في سننه بإسناد حسن, par une chaîne bonne, dit Ibn Kathir. وفيه فكان الأشعث يقول, donc الأشعث disait, qui est donc celui qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a entendu ça de sa bouche, il disait لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. Il disait qu'on ne m'amène pas un homme qui nie qu'un homme de Quraysh descend de An-Nadr ibn Kinana sans que je lui applique la peine, que je le fouette de la peine. Et ceci montre qu'il voyait que tout homme de Quraysh descend de An-Nadr ibn Kinana. Wa qil inna jima'a Quraysh Ilyas ibn Mudar ibn Nizar. Et il a été dit que Quraysh descendent tous de Ilyas ibn Mudar ibn Nizar. Wa qil bal jima'uhum abuhu Mudar. Et certains ont dit c'est Mudar. Wa huma qawlan ba'd ashab ash-Shafi'i. Et ces deux paroles de certains compagnons de Shafi'i, hakahuma Abu al-Qasim Abd al-Karim ar-Rafi'i. Fi sharhihi wa huma wajhan ghariban jiddan. Donc l'imam al-Kathir rahimahullah, il voit que ces deux paroles faibles, ça. Et Cheikh Yahya, il s'appuie sur le hadith donc de Ibn Majah qu'on a cité avant, pour dire que Quraysh c'est An-Nadr ibn Kinana et que c'est la ville plus fort. Al-Fa'amma qabailu al-Yaman ka Himyar wa Hadramaut wa Saba. Donc quant aux tribus du Yémen comme Himyar, Hadramaut, Saba, wa ghayri dhalik, فأولئك من قحطان ليسوا من عدنان. Donc tous ceux-là sont de Qahtan, Donc c'est là l'arabe, al-ariba, les arabes, la base des arabes. Qahtan. Wa Qudaa fiha thalathat wa qawl. Et Qudaa, ils ont, il y a trois avis. Qil innaha min al-adnaniya, wa qil qahtaniya, wa qil batnun thalith, la min haula wa la min haula. Donc il a été dit qu'ils font partie des adnaniya et des qahtaniya. Et il y en a qui ont dit que c'est une troisième branche, ni de cela, ni de cela. Wa huwa gharib, hakahu Abu Omar wa ghayru. Et c'est un avis faible, ça. Que c'est ni des Adnaniya, ni des Qahtaniya. Car tous les Arabes sont soit de Adnaniya, soit de Qahtaniya. Et Cheikh, il voit que Qudaa, c'est, ça rentre dans les Qahtaniya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.